7-14, observation, forme masculine et féminine, révision et extension. Masculin, indulgent. Féminin, indulgente. Intelligent, intelligente. Différent, différente. Idiot, idiote. Blanc, blanche. Notez que la consonne finale n'est pas prononcée au masculin, mais qu'elle est prononcée au féminin.